Ouais, Chroma, viens, on va en after. Une force de frappe, réputée pour buter dans le rap. Place dans la dégaine, et même dans les sages. Sans même l'annoncer, je sais que tu nous as piqué. On a mis la barre haute des Macroma et César. Une force de frappe, réputée pour buter dans le rap. Yes, classe dans la dégaine, et même dans les sages. Sans même l'annoncer, je sais que tu nous as piqué. On a mis la barre haute des Macroma et César. Ma force de frappe, c'est ses 16. Tar 09 avec Roma, c'est sans Tommy. Qu'on aime parler aux reufs du rap des basses. Ça dépend. C'est ça ou la race, quand t'as que les rêves pour te faire des bancs. Accro au gros pétard, d'herbe, de chair ou de métal. J'aime qu'il soit gros, ça va de pair avec le mental. Pour l'instant, dis au poteau, paye-moi en drogue. Car chacha sur un beat, c'est un gros moteur d'avion sur une pirogue. Y'a la police maritime, jette mes textes, ils sont trop lourds. Ceux qui renseignent les M6 commencent à être relou. Nous, c'est les loups, pit, renard. En tout cas, sort de clébard, normal qu'elle dise tu rentres un cram, feu de dard. Nous, c'est les sous, voyous. Mais parce que la vie de rêve vaut de l'oseille. C'est aussi Air France et Audi qui ont niqué notre sommeil. Paname Sud, Falguière et Chacha, Tion, 9-2-1. Réputé pour buter dans le rap. Classe dans la dégaine et même dans les sages. Sans même l'annoncer, j'sais que tu nous as piqué. On a mis la barre haute des Macroma et César. De frappe, réputé pour buter dans le rap. Yes, classe dans la dégaine et même dans les sables. Sans même l'annoncer, j'sais que tu nous as piqué. On a mis la barre haute des Macroma et César. Le boss haka, nique tout dans tous les cas. En plus, j'cache pour ma boulka. Comme l'a dit Fatal Bazooka, t'es qu'une tame comme Loana. J'suis barbare comme Fofana. Les concerts sont trop chauds et ressemble à des saunas intransigeants. Conseil, restez vigilant. C'est hallucinant comment le 9-2 a du talent. Mon son dans les MP3, à fond dans les turvois. Écoutez et respectez par tous les youvois. J'ai damé le peur, mais j'ai pas encore digéré. J'suis obligé de diriger, trop d'MC à corriger. J'm'annonce, défonce pour la ville de Tillon. Testé, prenons sur le pont. J'ai pas le temps, j'fonce. En train de cavaler, la cité m'a acclamé. Allumer les briquets RAP, j'vais t'enflammer. C'est la moitié de la falte et la moitié de l'escadrille. Une décharge lyricale, donc mets-toi à l'abri. Une force de frappe, réputée pour buter dans le rap. Classe dans la dégaine et même dans les sages. Sans même l'annoncer, j'sais que tu nous as piqué. On a mis la barre haute des Macroma et César. Une force de frappe, réputée pour buter dans le rap. Yes, classe dans la dégaine et même dans les sables. Sans même l'annoncer, j'sais que tu nous as piqué. On a mis la barre haute des Macroma et César. Sache que le rap est à nous. On avance, on tient le coup. Rien à foutre des jaloux. Mentalité prêt à tout. Sache que le rap est à nous. On avance, on tient le coup. Rien à foutre des jaloux. Mentalité prêt à tout. Une force de frappe, réputée pour buter dans le rap. Classe dans la dégaine, et même dans les sages. Sans même l'annoncer, j'sais que tu nous as piqué. On a mis la barre haute des Macroma et César. Une force de frappe, réputée pour buter dans le rap. Yes, classe dans la dégaine, et même dans les sables. Sans même l'annoncer, j'sais que tu nous as piqué. On a mis la barre haute des Macroma et César. Une force de frappe, réputée pour buter dans le rap. Classe dans la dégaine, et même dans les sages. Sans même l'annoncer, j'sais que tu nous as piqué. On a mis la barre haute des Macroma et César. De frappe, réputé pour buter dans le rap. Yes, classe dans la dégaine et même dans les sables. Sans même l'annoncer, j'sais que tu nous as piqué. On a mis la barre haute des Macroma et César.